الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On continue la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Lors du cours dernier, on s'était arrêté au verset 7 de Sourate At-Tahrim, qui est traduit par Sourate l'interdiction. Une sourate qui est madaniya ou makkiya, médinoise. طيب. قال تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Il dit سبحانه وتعالى selon le sens, ô vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui, vous ne serez rétribué que selon ce que vous œuvriez. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ فيقال لهم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم أي فإنه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمال وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه. Il dit رحمه الله, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici dans ce verset fait le reproche aux gens de l'enfer le jour du jugement par ses paroles. Il leur dira, il leur sera dit, ô vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui, car l'heure de l'excuse est passée et il n'est plus profitable, il n'y a plus aucun intérêt à demander pardon ou à s'excuser, car il ne reste maintenant que la rétribution selon les œuvres qui ont été accomplies. Et vous, c'est-à-dire vous, les mécréants, vous n'avez apporté que la mécréance en Allah et vous n'avez fait que traiter de mensonges ses signes et vous n'avez fait que combattre ses prophètes et ses alliés. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 8 selon le sens. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux, et à leur droite, ils diront, Seigneur, Seigneur, parfais-nous notre lumière, et pardonne-nous, car tu es omnipotent. قال الشيخ السعدي رحمه الله قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح حين حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم ما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم وكل هذا من آثار التوبة النصوح والمراد بها التوبة العامة الشاملة للذنوب كلها التي عقدها العبد لله لا يريد بها إلا وجهه والقرب منه ويستمر عليها في جميع أحواله. Il dit رحمه الله, Allah عز وجل ordonne dans ce verset de faire un repentir sincère. Et Allah عز وجل promet à celui qui fait ce repentir sincère de lui pardonner ses péchés et de le faire entrer dans des jardins. Allah Azza wa Jal lui promet aussi la réussite et la félicité. Lorsque les croyants, le jour du jugement, avanceront par la lumière de leur foi et ils savoureront ce moment, et ils feront preuve de compassion envers ceux pour qui les lumières s'éteindront, les lumières qui seront données aux hypocrites. Les hypocrites, une lumière faible leur sera donnée, puis en milieu de chemin ou pendant le chemin, ces lumières s'éteindront et ainsi les hypocrites seront dans les ténèbres totales. Et les croyants, comme Allah Azza wa Jalla dit dans ce 8e verset de Surat At-Tahrim, demanderont à Allah Azza wa Jalla de leur compléter leur lumière. Allah subhanahu wa ta'ala exaucera leurs vœux. Les croyants demanderont de compléter la lumière de qui? Leur lumière à eux, et non la lumière des hypocrites. Ils demanderont à Allah Azza wa Jal de leur compléter leur lumière. Allah Azza wa Jal exaucera leur invocation et la lumière qu'ils auront avec eux, ainsi que la certitude, et ici ce qui est voulu par la certitude, c'est la foi, car la foi est le fait de croire aux six piliers de la foi de façon certaine, sans aucun doute. Cette lumière qu'ils auront avec eux les amènera jusqu'au jardin des délices et ils seront à proximité d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur généreux. Et tout cela, tout ce bienfait est la conséquence directe du repentir sincère. Et il dit, rahimahullah, et ce qui est voulu par le repentir sincère dans ce verset, c'est-à-dire le repentir général et global, le repentir de tous les péchés. Un repentir que fait le serviteur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne recherche dans ce repentir que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se rapprocher de lui azza wa jal. Et il persiste et reste dans ce repentir dans l'ensemble des situations. ثم قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Puis Allah عز وجل dit dans le verset 9, selon le sens, ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et hypocrites et sois rude à leur égard, leur refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination. يأمر الله تعالى نبيه بجهاد الكفار يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه فإن هذا يجاهد ويغلظ له، وأما المرتبة الأولى فتكون بالتي هي أحسن، فالكفار والمنافقون لهم عذابهم في الدنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم على جهادهم وقتالهم وعذاب النار في الآخرة، وبئس المصير الذي يصير إليها كل شقي خاسر. يجي رحمه الله qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne ici à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lutter contre les mécréants et hypocrites et d'être rude à leur regard. Et cela englobe et inclut, le fait de lutter contre eux à travers la preuve qui est établie face à eux, et en les appelant en islam, et en les appelant à l'islam par la bonne exhortation, et en abolissant les différents égarements dont ils font preuve, et également de les combattre par les armes pour celui qui refuse de répondre à l'appel d'Allah et à se soumettre à ses jugements. Celui-ci doit être combattu et il doit être combattu de façon rude. Quant à la première forme de lutte, qui est la lutte par la preuve et les arguments et par l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cette première façon se fait de la meilleure et de la plus belle des façons. Les mécréants et les hypocrites auront un châtiment dans cette vie d'ici-bas. Quel est ce châtiment? C'est le fait qu'Allah Azzawajal leur inflige son prophète et le parti des croyants pour les combattre et lutter contre eux. Ceci est leur châtiment dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, ils auront le feu dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Une destination qui est celle de tout malheureux perdant. Et bien sûr, ici, la lutte qui est voulue, c'est bien sûr la lutte qui est conforme au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car le jihad en islam, c'est un des chapitres de jurisprudence. On ne fait pas le jihad comme bon nous semble. Le jihad a ses conditions, le jihad a ses règles que le musulman se doit de respecter. Et malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas les conditions pour qu'une lutte soit considérée comme un jihad fi sabilillah. Et dans ce domaine, beaucoup de passion, beaucoup de gens ont suivi leur passion, beaucoup de gens ont suivi leurs sentiments et se sont fait dicter leur comportement par leurs sentiments. Or, en islam, on n'agit pas en conformité avec nos sentiments, mais on agit en conformité avec le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, on essaiera de traiter ce sujet de façon indépendante, en parlant du jihad et notamment des conditions pour que celui-ci soit considéré comme un jihad. Et le jihad, comme toute adoration, doit respecter deux conditions générales. La première, la sincérité pour Allah Azzawajal, et la deuxième, la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait le jihad et qui n'est pas sincère, son jihad n'est pas accepté. De la même façon, celui qui fait le jihad de façon sincère, mais qui n'est pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son jihad ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets 10 à 12 de Sourate al-Tahrim, selon le sens. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont cru la femme de Nuh et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux avec ceux qui entrent. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon, quand elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens injustes. De même, Maryam, la fille de Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. قال الشيخ السعدي رحمه الله هذان المثنان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئا وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا مع قيامه بالواجب عليه فكأن في ذلك إشارة وتحذيرا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصية وأن اتصالهن به لا ينفعهن شيئا مع الإساءة. Il dit rahimahullah, ces deux exemples qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux croyants et aux non-croyants afin de leur montrer que le fait qu'un non-musulman soit en relation avec un croyant et qu'il soit proche de lui, que cette relation et cette proximité n'aura pour lui aucun intérêt. Ou plutôt, cette proximité et cette relation ne lui sera pas bénéfique. Et également, la relation qu'a le croyant envers le mécréant ne lui est pas néfaste à condition qu'il s'acquitte de ses obligations. Et il dit, rahimahullah, c'est comme s'il y avait dans ce verset un signe et une mise en garde aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam de ne pas désobéir. Et que le fait qu'elle soit en relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur sera pas profitable s'ils commettent des péchés. Car les versets précédents de Surat al-Tahrim étaient des reproches à qui ? À Aïcha et à Hafsa radiyallahu anhuma. Puis il dit, rahimahullah, فَقَالَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا أَيْ الْمَرْأَتَانِ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ وَهُمَا نُوحٌ وَلُوطٌ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَخَانَتَاهُمَا فِي الدِّينِ بِأَنْ كَانَتَا عَلَى غَيْرِ دِينِ زَوْجَيْهِمَا وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْخِيَانَةِ لَا خِيَانَةَ النَّسَبِ وَالْفِرَاشِ فإنه ما بغت امرأة نبي قط وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا فلم يغنيا أي نوح ولوط عنهما أي عن امرأتيهما من الله شيئا وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Nuh et la femme de Lot. Elles étaient, c'est-à-dire ces deux femmes, elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs, que sont Nuh et l'autre alayhim as-salam, toutes deux les trahir. Toutes deux les trahir. Donc les deux ont trahi leur mari. Puis il dit, rahimahullah, ay fi din, elles les ont trahis dans la religion. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas la religion de leurs deux maris. Et c'est ce qui est voulu par la trahison. Non, la trahison dans le fait de s'affilier à un enfant ou la trahison, c'est-à-dire de tromper son mari en ayant un rapport avec un autre homme. Donc ici, la trahison qui est voulue dans ce verset, c'est la trahison dans la religion, c'est-à-dire qu'elles ont trahi leur mari lorsqu'elles n'ont pas suivi leur religion. Or, c'était des prophètes d'Allah. C'était des prophètes d'Allah, Azza wa Jal. Puis il dit, rahimahullah, aucune femme d'un prophète n'a commis l'adultère. Et il n'a parti, et Allah, Azza wa Jal, ne peut faire d'une femme d'un de ses prophètes, ne peut faire en sorte que la femme d'un de ses prophètes soit une prostituée. Falam yurniya, ils ne furent d'aucune aide, c'est-à-dire Nuh et Lot, anhuma, pour elle, c'est-à-dire pour leur femme. Nuh alayhi salam et Lot n'ont été d'aucune aide pour leur femme vis-à-vis d'Allah, et il leur fut dit, c'est-à-dire il fut dit aux deux femmes, ادخل النار مع الداخلين, entrez au feu toutes les deux avec ceux qui entrent. ثم قال رحمه الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فوصفها الله بالإيمان والتضرع لربها وسؤالها لربها أجل المطالب وهو دخول الجنة ومجاورة الرب الكريم وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالم فاستجاب الله لها فعاشت في إيمان كامل وثبات تام ونجاة من الفتن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواه البخاري ومسلم. Puis il dit, rahimahullah, et la parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens, Seigneur et Allah a donné en parabole, comme parabole pour ceux qui ont cru la femme de Pharaon, qui est Asiya bint Muzahim, radiyallahu anha. Son nom était Asiya bint Muzahim. Lorsqu'elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. Allah Azza wa Jal l'a caractérisée par la foi et par la soumission à son Seigneur. Et elle a demandé à Allah Azza wa Jal la plus noble des choses, qui est d'entrer au paradis et d'être proche du Seigneur généreux, subhanahu wa ta'ala. Elle a demandé également à Allah Azza wa Jal de l'épargner de la tentation de Pharaon et de l'épargner des actions mauvaises que commet Pharaon. Elle a demandé également à Allah Azza wa Jal de l'épargner de la tentation de toute personne injuste. Allah Azza wa Jal a exaucé son invocation. Elle a vécu en ayant une foi complète et en étant ferme et en étant préservé des tentations. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, beaucoup d'hommes ont atteint la complétude, mais n'ont atteint la complétude parmi les femmes que Maryam, fille de Imran, Asiya, fille de Muzahim, et Khadija, la fille de Khuwaylid, et le mérite de Aïcha vis-à-vis des femmes et comme le mérite du Tharid vis-à-vis des autres plats. Et le Tharid, c'est le plat le plus noble des Arabes. Quel est le Tharid? Vous ne connaissez pas le plat le plus noble des Arabes? Non, c'est pas le couscous. Non. C'est du pain mélangé à de la viande. Al-Tharid. Pour ceux qui sont marocains, on dit Tharid. Vous le connaissez, Tharid ou pas? C'est du pain mélangé avec de la viande. C'est du pain mélangé avec de la viande, souvent avec de la sauce. Et c'est un pain qui est fin, qui n'est pas épais. Et effectivement, c'est un plat très bon et très consistant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer les mérites de Aïcha vis-à-vis des autres femmes, l'a comparé au Tharid vis-à-vis des autres repas. ثم قال رحمه الله وقوله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي صانته وحفظته عن الفاحشة لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتها فنفخنا فيه من روحنا بأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فوصلت نفخته إلى مريم فجاء منها عيسى بن مريم عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة فإن التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدرية والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل ولهذا قال وكانت من القانتين أي المطيعين لله المداومين على طاعته بخشية وخشوع وهذا وصف لها بكمال العمل فإنها رضي الله عنها صديقة والصديقة هي كمال العلم والعمل تمت ولله الحمد في الجي رحمه الله en expliquant le dernier verset de sourate At-Tahrim. Et la parole d'Allah Azza wa Jal est Maryam, la fille de Imran, qui avait préservé sa virginité. C'est-à-dire qu'elle s'est préservée et qu'elle n'est pas tombée dans le péché de la fornication ou de l'adultère. Ceci car elle était chaste et elle avait une religion complète. فنفخنا فيه من روحنا nous y insufflâmes alors de notre esprit. Lorsque Jibril alayhi salam a insufflé dans l'entrée de son col, au niveau de son cou, et ce souffle est entré en Maryam alayhi salam, et de ce souffle elle est tombée enceinte de Isa alayhi salam, le prophète et l'immense envoyé d'Allah alayhi salam. وصدقت بكلمات ربها وكتبه. Elle a déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que les livres. Et ceci, Allah Azza wa Jal la caractérise par la science et par la connaissance. Car de déclarer véridiques les paroles d'Allah Azza wa Jal, les paroles d'Allah ici incluent les paroles religieuses et les paroles liées à ses décrets et commandements, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal l'a aussi décrit comme déclarant véridiques ses livres. Et le fait de déclarer véridiques les livres implique de connaître ces livres. Et cela ne peut avoir lieu qu'avec la science et la mise en pratique. Car pour déclarer véridique un livre, il faut tout d'abord le connaître. Et si ce que tu connais est vrai, tu te dois de mettre en pratique. Tu te dois de mettre en pratique. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit « وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ » Et elle fut parmi les dévoués, c'est-à-dire celle qui obéissait à Allah Azza wa Jal, celle qui était qui perdurait dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal avec crainte et recueillement. Et ceci est une description où Allah Azza wa Jal la caractérise par une complétude dans ses adorations alayhi salam, et elle faisait partie radiyallahu anha des siddiqah, des véridiques, et la véridique est celle qui est complète dans sa science et dans ses œuvres. Ainsi se termine le tafsir de sourate At-Tahrim, et ainsi on a terminé walillahi alhamd le juz qad sami'a. Donc inshallah ta'ala lors du prochain cours on commencera le tafsir de sourate Al-Hadid et on continuera vers le haut inshallah ta'ala jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal nous permette bi'idhnillah de terminer le tafsir, car pourquoi ne pas le finir inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal al-thabat wa al-sadad, qu'il nous aide et qu'il nous permette de terminer le tafsir dans sa totalité. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.